what? What else, mate? Tu tu en as chez toi? Louise, c'est moi, ça c'est clair. J'ai jamais acheté un seul disque de ma vie en fait. C'est moche, je sais, mais bon. Donc j'ai rien en fait chez moi. J'ai jamais téléchargé de Zik non plus. Si, j'ai téléchargé 2-3 morceaux, mais c'est tout. Une reprise de Steve Vai là que j'ai fait, 2-3 conneries, mais c'est tout. J'ai pas de disque en fait.